comment tourner. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أيها الإخوة الكرام. Donc avant de commencer le cours par manque de temps il se fera entièrement en français à part bien entendu les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sinon, tout le reste se fera en français par manque de temps. Car déjà, l'histoire de Isa alayhi salam, qui est un des prophètes qui a été parmi les prophètes qui ont été le plus cités dans le Coran, il est difficile en une heure de parler d'un peu de tout. Et en plus de cela, si on est amené à parler en deux langues, ce serait encore plus long. Et avant également de commencer le cours, donc je tenais à remercier donc, les frères qui ont été la cause de notre rencontre aujourd'hui. Sallallahu ta'ala an yusibahum ala dhalik. Et j'espère que ce sera le début d'une longue suite de conférences et de cours pour cette ville de Beauvais. Donc inshallah, dans cette conférence, nous allons parler du dernier prophète parmi les prophètes de Bani Israël, les enfants de Israël. هناك حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولى تعلات ليس بيني وبينه نبي رواه الإمام البخاري. Donc l'imam al-Bukhari, les frères, si vous pouviez vous rapprocher, barakallahu fik. Donc Abu Huraira, radiyallahu anhu, il rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: je suis la personne qui est la plus redevable de Ibn Maryam, c'est-à-dire Isa alayhi salam. Et il nous dit ensuite que les prophètes Aulad Allat, tous les prophètes sont comme des frères d'un même père. C'est-à-dire que tous les prophètes ont appelé au même message, c'est-à-dire appelé à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si les législations diffèrent d'une religion à l'autre. Par exemple, la prière n'est pas la même d'une religion à l'autre, le jeûne n'est pas le même d'une religion à l'autre, etc., etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Aulad al-Lat ». C'est comme si des frères qui ont le même père et des mères différentes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite « Laysa bayni wa baynahu nabi ». Il n'y a pas entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Isa alayhi salam de prophète. Le prophète qui est venu juste après Isa ibn Maryam, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Si l'on veut parler de Isa alayhi salam, on ne peut parler de ce prophète sans parler de sa mère. Du fait que lorsqu'on cite Isa, on dit Isa ibn Maryam. Donc c'est le seul prophète qui est affilié à sa mère. Sinon tous les autres prophètes ont dit Mohammed ibn Abdullah, Moussa ibn Imran, Harun ibn Imran, on dit Yunus ibn Matta, etc., etc. Sinon Isa alayhi salam est le seul prophète qui est attribué à sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les gens qu'il a choisi et favorisé et élu, la famille de Imran. Allah dit dans le Coran, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran al alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Certes, Allah a élu Adam, Nuh, la famille de Ibrahim et la famille de Imran au-dessus de tout le monde. Imran était un homme vertueux, un homme pieux parmi les rabbins des enfants de Israël. Et sa descendance à Imran remonte jusqu'à Suleyman ibn Daoud alayhi as-salam. Jusqu'à Suleyman ibn Daoud alayhi as-salam. Et sa femme s'appelait Hinna bintu Faqud. Hinna bintu Faqud. Et également, elle faisait partie des femmes vertueuses et pieuses de son époque. Et le prophète qui était à leur époque, car parmi les enfants d'Israël, il y avait les prophètes qui se succédaient les uns les autres. Lorsqu'un prophète décédait, un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, envoyait tout de suite après un autre prophète pour rappeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète de l'époque de Imran et de Hinna bint Faqud, c'était Zakaria. Zakaria alayhi as-salam. Et Zakaria était le mari de la fille à Imran. Donc à Imran, il avait plusieurs épouses et une de ses filles s'appelait Ishiya, et c'était la femme de Zakaria. Muhammad ibn Ishaq, rahimahullah, également Ibn al-Athir, dans son livre Al-Kamil, fit Tarikh, il rapporte que Maryam, ou Ummu Maryam, Hinna, كانت لا تلد. Elle ne procréait pas. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et un jour, en passant, elle a vu un oiseau qui était en train de donner à manger à un moineau, c'est-à-dire son enfant. C'est alors qu'elle a eu envie d'avoir un enfant. Et c'est alors qu'elle a fait un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant à Allah que s'il lui permettait de tomber enceinte, elle mettrait cet enfant au service de Beit al-Maqdis à Jérusalem, la mosquée sacrée de Jérusalem, ce qu'on appelle al-muharrar, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit muharraran ma fi batni muharraran, c'est-à-dire un enfant duquel on fait le don pour être au service de Beit al-Maqdis. Donc c'est le vœu que Hinna bint Faqud a fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Après ce vœu, tout de suite après, elle a eu ses menstrues. Et après ses menstrues, elle a eu des rapports avec son mari, Imran, et elle est tombée enceinte de Maryam alayha as-salam. Allah dit dans le Coran, فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت في القراءة المشهورة. Donc ça, c'est la lecture du Coran la plus célèbre. والله أعلم بما وضعت وثبتت قراءة ب والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وهي قراءة ابن عامر الشامي رحمه الله وهي قراءة سبعية متواترة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, puis lorsqu'elle en eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى. C'est-à-dire que le garçon n'est pas comme une fille. En général, ceux qui travaillaient et qui étaient au service de Beit al-Maqdis, c'était des garçons. Donc Maryam, elle a dit, وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى. C'est-à-dire pour pouvoir être au service des gens qui prient fi Baytil Maqdis, au service des gens qui sont en i'tikaf fi Baytil Maqdis. Une fille, ce n'est pas comme un garçon. Donc les garçons ont leur propriété, comme les filles ont leur propriété. Et donc c'était une habitude à leur époque de sacrifier un de leurs enfants pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'il soit donc au service de cette mosquée qui est Bayt al-Maqdis. ثم قالت وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم من أسماء هذا من معاني هذا الاسم الطاهرة parmi les elle a dit et je l'ai appelé Maryam. Donc cet enfant elle l'a appelé Maryam et parmi les sens du mot Maryam c'est-à-dire la pure, c'est-à-dire celle qui est purifiée. Il y a certains savants qui ont utilisé ce verset pour dire qu'il était permis à la personne de nommer son enfant dès la naissance. De nommer son enfant dès la naissance. Du fait que, dès sa naissance, Hinna bint Faqud, elle a appelé sa fille Maryam. Et également, dans Sahih Muslim, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. Également أنس بن مالك رضي الله عنه rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit j'ai eu un enfant cette nuit et je l'ai appelé par le nom de mon père Ibrahim. Le hadith est rapporté par Muslim. Mais sinon la sunna, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de nommer son enfant le septième jour. C'est ça qu'il est recommandé de faire. Mais si la personne le nomme dès sa naissance, cela est permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'su » rapporté par Ahmed. C'est-à-dire que chaque enfant est comme l'otage de sa aqiqa. Et comme l'otage de sa aqiqa qui doit être sacrifié pour lui le septième jour de la naissance, également on lui donne un nom et on lui rase la tête. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Wa inni sammaytuha Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytan ar-rajim. Donc je l'ai appelé Maryam et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le bani. Donc ça, c'est une des meilleures invocations que le père ou la mère puisse faire pour ses enfants. Du fait qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre ses enfants et la descendance de ses enfants sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est sous la protection d'Allah, personne ne peut lui nuire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé plutôt cette invocation de cette mère attentive et pieuse pour ses enfants. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min bani Adam mawludun illa wa yamassuhu ash-shaytan hina yulad fayastahillu sarikhan min mass ash-shaytan غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأقرأ إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وفي رواية يطعن الشيطان في جنبه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé cette invocation. Abu Huraira رضي الله عنه, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas parmi les enfants d'Adam un enfant sans que le diable, al-shaytan, le touche le jour de sa naissance. Et c'est pour ça que chaque enfant, lorsqu'il naît, il se met à pleurer. Donc c'est shaytan qui vient toucher l'anche de l'enfant. Et c'est pour cela que l'enfant, dès la naissance, se met à pleurer. Tout enfant se met à pleurer dès sa naissance. C'est la première chose qu'il fait à sa venue au monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout enfant, il lui arrive cela, sauf Maryam alayhi salam et son fils Isa alayhi salam. Donc ça c'est le résultat de la vocation de Hinna bint Faqud lorsqu'elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette ses enfants, Maryam et sa descendance sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la descendance de Hinna c'est que Isa, car Isa alayhi salam ne s'est pas marié pour qu'il y ait ensuite une autre descendance. فقال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance et en confia la garde à Zakaria. Donc après que Hinna eut allaité sa fille et l'ait élevée comme on élève n'importe quel enfant, elle fit le don de cet enfant à Beit el-Maqdis. Donc pour être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala et être au service des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit. Et les gens ont divergé sur qui allait être gardien et tuteur de cet enfant. Car donc, une fille n'est pas comme un garçon. Elle a besoin de plus de soins, de plus d'attention qu'un garçon. Donc il fallait que quelqu'un prenne soin d'elle et devienne son tuteur, donc à cet endroit qui est Beit el-Maqdis. C'est alors que les rabbins sont arrivés, que les gens vertueux sont arrivés, que les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont arrivés, tous voulaient avoir l'honneur de pouvoir être le tuteur de Maryam alayhi salam. Également parmi les gens qui sont arrivés pour avoir cet honneur, car donc la famille de Imran était une famille noble et une famille d'adorateurs, donc c'est un honneur pour eux de pouvoir avoir cette tâche d'être le tuteur de Maryam. Parmi les gens qui se sont également disputés cette tâche, il y a Zakaria, le prophète de cette même époque, car donc également il estimait qu'il méritait plus que les autres d'avoir cette tâche du fait qu'il était marié avec donc, soit la sœur à Maryam, soit la tante à Maryam. Donc il y a deux avis chez les savants. Bref, il était proche de cette famille. Et en plus de cela, c'était lui le prophète de l'époque. Et donc Isa et Yahya alayhim as-salam, donc sur l'avis qui dit que la femme de Zakaria, c'est la sœur à Maryam, ce sont des cousins. Ce sont des cousins. Et si on dit que c'est sa tante, il reste proche, alayhi salam. Malgré cela, malgré que Zakaria, alayhi salam, ait voulu obtenir cette tâche, ils n'ont trouvé comme moyen pour les départager que le fait de faire ce qu'on appelle un tirage au sort. Un tirage au sort. Et cela est cité dans le Coran lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont là des nouvelles de l'invisible que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur qalem pour décider qui se chargerait de Marie, de Maryam, tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Donc ils ont décidé de faire un tirage au sort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun d'entre eux possédait ce qu'on appelle un qalem, avec lequel ils écrivaient. Et chacun avait un qalem propre à lui, qui ne ressemblait à aucun des autres. Ils ont décidé de tous mettre leur qalem dans une boîte et de faire venir un enfant qui allait choisir parmi tous ces qalem. Et celui qui sortirait serait lui qui aurait la tâche d'être le tuteur de Maryam alayhi salam. L'enfant est arrivé et a pris le qalem de Zakaria. Malgré cela, ils ont refusé de donner à Zakaria Maryam. Ils ont dit on recommence le tirage au sort. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous jeter notre qalam une fois de plus dans la rivière. Le qalam qui pourra aller contre le courant, ce sera lui qui aura l'honneur d'être le tuteur de Maryam. Ils ont tous jeté leur qalam, ainsi que Zakaria. Et le seul qalam qui est parti contre le courant, c'est le qalam de Zakaria, alayhi salam. Malgré cela, ils ont refusé. Et ils ont alors dit, on va faire l'inverse. Le seul qalam qui partira avec le courant, encore plus dur, c'est celui qui méritera d'être le tuteur de Maryam, alayhi salam. Ils ont tous jeté leur qalam, et tous ils sont partis contre le courant, sauf le qalam de Zakaria, alayhi salam. Allez, moi, j'ai ça. Et donc, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa kaffalaha Zakaria. En ce qui concerne les textes que je cite, ils sont de deux sortes. Nous avons des textes qui sont des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que vous trouverez dans les livres, parmi les livres de la sunna, comme Sahih al-Bukhari, Muslim, ou bien les quatre sunnan, ou bien Musnad de l'imam Ahmed. Et il y a également des textes qui remontent, qui sont cités par les historiens. Donc, ils prennent cela des récits de Bani Israël. D'accord ? Donc, par exemple, ce genre de texte, c'est des genres de textes où il n'y a pas de isnad, où il est très difficile de connaître l'authenticité de ces choses-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Hadithu an Bani Israël wa la haraj. C'est-à-dire, vous pouvez raconter les récits de Bani Israël, il n'y a aucun problème à cela, tant que ces récits-là ne vont pas à l'encontre de notre croyance ou bien de choses authentiques dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand je cite juste après donc, le nom d'un livre, c'est-à-dire que cela donc, est pris donc, des livres de l'islam, sinon c'est pris de ce qui rapportent les historiens comme Ibn Kathir dans Bidayah ou Nihaya ou bien Ibn Athir dans Kamil ou bien tous les livres de l'histoire musulmane. Zakaria alayhi salam, après donc avoir obtenu le fait d'être tuteur de Maryam, il lui a choisi un endroit noble, fi Bayt al-Maqdis, ce qu'on appelle al-mihrab, comme Allah subhanahu wa ta'ala a cité, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. C'est un endroit où elle était seule à cet endroit-là, Maryam alayhi salam. Il n'y avait que Zakaria alayhi salam qui lui rendait visite. Et donc pendant ces temps-là, pendant les temps, le temps de Maryam, elle le remplissait par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et également par le fait d'être au service de Bayt al-Maqdis. Donc soit elle était au service de Bayt al-Maqdis, comme le fait donc de nettoyer, comme le fait d'être au service des adorateurs, d'être au service des gens qui prient, et sinon, le temps qui n'était pas pris pour cela, elle adorait Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour. Et également, il y avait d'autres personnes qui avaient la même tâche qu'elle, donc ils faisaient cela à tour de rôle. Maryam, alayhi salam, dès son plus jeune âge, elle fut connue pour ce qu'on appelle Al-Karamat, c'est-à-dire des sortes de miracles qui arrivent à certains serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une différence entre Al-Mu'ajiza et également Al-Karama. Donc Al-Mu'ajiza, c'est ce qui arrive au prophète alayhi salam, et Al-Karamat, c'est ce qui arrive aux serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Maryam alayhi salam n'est pas une prophète. Donc il n'y a pas de prophète femme. Tous les prophètes sont des hommes. Mais malgré cela, du fait de sa piété, du fait de sa foi, du fait de sa croyance, Allah subhanahu wa ta'ala faisait arriver pour elle des choses qui ne sont pas ordinaires. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous dit que Zakaria alayhi salam, à chaque fois qu'il rentrait pour apporter de la nourriture à Maryam alayhi salam, il trouvait chez elle de la nourriture. Et plus encore, il trouvait de la nourriture qui n'était pas de saison. Il trouvait chez elle les fruits d'été en hiver et les fruits d'hiver en été. Et donc, il faut que le musulman, parmi les bases et les fondements de la croyance des gens de la sunna, le fait de croire à ce qu'on appelle karamat al-awliya. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans son livre Al-Aqida al-Wasitiyya, wa min usul ahli sunnah wal jama'ah at-tasdiq bi karamat al-awliya wa ma yujri Allah 'ala aydihim min khawariq al-'adat fi anwa' al-'ulum wal mukashafat wa anwa' al-qudrat wal ta'thirat kal-ma'thur 'an salif al-umam fi surah al-kahf وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, il nous dit, parmi les fondements de Ahl Sunna wal Jama'a, il y a le fait qu'ils croient au miracle des alliés d'Allah, ce qu'on appelle karamat al-awliya, et aux ruptures habituelles qu'Allah réalise à travers eux dans les différentes sortes de connaissances et d'illuminations, de manifestations de puissance et d'influence, ce qui se conforme aux traditions que les anciens les anciennes communautés ont léguées, comme dans Surat Al-Kahf, le fait qu'ils soient restés 300 ans dans une, ça ce qu'on appelle karamat al-awliya, ils ont resté 300 ans dans la grotte. Et autre que celle-là, et encore ce qui s'est fait dans cette communauté par les compagnons, leurs successeurs et tabi'in, et les autres générations de la communauté, chose qui sera toujours présente jusqu'au jour dernier. Donc les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus serviteurs d'Allah, Allah fait qu'il leur arrive des choses inhabituelles et des sortes de miracles. يقول الله سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Chaque fois que celui-ci, Zakaria, entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Mariam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit alors, cela me vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Donc Maryam alayhi salam était une femme pieuse, une femme adoratrice, une femme chaste. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a choisi Imran son père, il l'a également choisi et élu. Allah il dit dans le Coran, wa idh qalat al mala'ikatu ya Maryam inna Allah astafaki yani ikhtaraki wa tahharaki yani min al akhlaq al radhila wa ataki as-sifat al jamila. واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et rappelle-toi quand les anges dirent, ô Maryam, certes Allah t'a élu et purifié et t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Maryam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui demandait encore plus d'adoration pour pouvoir recevoir dans son ventre ce qu'elle allait recevoir, le fait de tomber enceinte d'un prophète parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a élu Maryam alayhi salam. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, khayru nisa'iha Maryam wa khayru nisa'iha Khadija, muttafaqun alayhi. Ali nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des femmes de son époque, c'est Maryam bint Imran. Et la meilleure des femmes de son époque, c'est Khadija, radiyallahu anha. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kamula min al-rijali kathir, wa lam yakmul min al-nisa'i, إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام متفق عليه. Également Abu Musa al-Ash'ari nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a beaucoup d'hommes qui sont parfaits, c'est-à-dire qui ont toutes les meilleures qualités, Et il n'y a parmi les femmes parfaites que Asiya, la femme de Pharaon, et Maryam, la fille de Imran. Et il nous dit ensuite que la vertu qu'a Aïcha radiallahu anha sur toutes les femmes, c'est la même vertu qu'a le plat que l'on appelle Al-Tharid sur tous les autres plats. Donc c'est le meilleur plat de son époque. Il nous dit que la différence qu'il y a entre Aïcha radiallahu anha et toutes les autres femmes, c'est la même différence qu'il y a entre Al-Tharid et les autres plats, rapportés par Al-Bukhari wa Muslim. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون رواه الترمذي. أنس بن مالك رضي الله عنه il dit également que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il te suffit, c'est-à-dire suffise aux femmes du monde, Maryam, la fille de Imran, Khadija, la fille de Khuwaylid, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa première épouse, Fatima bint Muhammad, Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Asiya, la femme de Pharaon, rapportée par l'imam al-Tirmidhi. Maryam, alayhi salam, ne sortait jamais de Bayt al-Maqdis, car donc elle était muharrara, c'est-à-dire habisa. Elle ne sortait jamais de Beit al-Maqdis, sauf pour des besoins très nécessaires, que pour des besoins urgents. Un jour, elle est sortie de Beit al-Maqdis et elle s'est éloignée à l'est de Al-Masjid al-Aqsa. قال الله سبحانه وتعالى إذ انتبذت c'est-à-dire elle s'est retirée de sa famille en un lieu vers l'Orient. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. C'est alors que الله سبحانه وتعالى lui a envoyé ce qu'on appelle الروح الروح الأمين جبريل عليه السلام. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Nous lui envoyâmes notre esprit, Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Maryam alayhi salam, en voyant cet homme, du fait que c'est une femme très pieuse, une femme très vertueuse, elle lui dit alors, قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux Ar-Rahman, si tu es pieux. Elle lui a dit, si tu es pieux, alors tu ne me feras aucun mal. Car elle savait que les personnes pieuses, les personnes vertueuses, en général, c'est leur piété qui les empêche de commettre les péchés. L'ange lui a répondu, قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. C'est-à-dire, je suis le messager de ton Seigneur. Je ne suis pas un homme, comme tu peux le voir, je suis en réalité le messager de ton Seigneur pour te donner un enfant pur, pour te faire le don d'un enfant pur. Maryam, alayhi salam, dit alors, surprise, قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. C'est-à-dire Maryam, alayhi salam, malgré que Jibril, alayhi salam, lui ait dit que c'était, qu'il était le messager d'Allah, elle a tout de suite pensé à sa réputation. Elle a tout de suite pensé à ce que les gens allaient dire lorsqu'elle allait tomber enceinte. Car donc la femme pieuse, la femme vertueuse, elle pense toujours à sa réputation et elle se pense toujours à l'image qu'elle donne auprès des gens. Et Maryam alayhi salam ne connaissait que deux moyens d'avoir un enfant. Qala, qalat, wa lam yamsasni basharun, wa lam aku bariya. C'est-à-dire, comment puis-je avoir un enfant alors que je ne suis pas marié, aucun homme ne m'a touché, wa lam aku bariya, je ne suis pas une prostituée. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. C'est-à-dire que l'ange a dit à Maryam, ainsi sera-t-il. L'ange dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Allah il a dit que Isa alayhi salam, l'enfant qu'elle allait porter dans son ventre, allait être ayatan linnas, un signe pour les gens, un signe de la grande puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam d'une femme sans homme, du fait que Maryam alayhi salam n'a pas été mariée. Maryam alayhi salam n'a pas été mariée. Également Allah subhanahu wa ta'ala, du fait de sa grande puissance, il a créé Adam ni d'un homme ni d'une femme. Il a créé Hawa d'un homme sans femme, car Allah subhanahu wa ta'ala a créé Hawa de Adam alayhi salam, et il a créé ensuite tous les hommes et toutes les femmes d'un mâle et d'une femelle. Wa rahmatan minna, un signe donc pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est-à-dire que Isa alayhi salam serait clément envers les gens du fait qu'il les appellerait depuis son plus jeune âge, depuis le berceau, et même lorsqu'il aura grandi, il les appellera à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wa kana amran maqdiya, c'est-à-dire que cela est une affaire déjà décidée. Les savants du tafsir ont dit que Jibril alayhi salam, il a soufflé dans le col de la robe à Maryam alayhi salam, et son souffle est descendu jusqu'à en bas, et c'est alors que Maryam est tombée enceinte sur place. Et donc, elle a porté cet enfant dans son ventre. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا. Donc, lorsqu'elle est tombée enceinte de cet enfant, elle s'est alors éloignée déjà. Malgré qu'elle savait que cela était un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'est éloignée des gens, car elle savait que la plupart des gens allaient parler sur elle et ne voudraient pas croire à ses propos et traiterait cela de mensonge. Un jour, Maryam alayhi salam est rentrée donc chez sa sœur. فَقَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا, c'est-à-dire la mère de Yahya, أَشَعُرْتِ أَنِّي حُبْلَ, elle a dit donc à Maryam, ne vois-tu pas que je suis enceinte. Maryam lui a alors dit, Sha'arti ou sha'urti aidan anni hubla, et toi ne vois-tu pas que je suis enceinte. Fa'tanaqatha wa qalat laha um Yahya, elle l'a enlacée et la mère de Yahya lui a alors dit, inni ara ma fi batni yasjudu lima fi batnik, elle a dit, je vois ce qu'il y a dans mon ventre se prosterner vers ce qu'il y a dans ton ventre. Elle voit que son fœtus qu'elle a dans son ventre se prosterne vers le fœtus que Maryam alayhi salam possède dans son ventre. Donc ça, c'est une prosternation qui était permise dans les religions passées, du fait de se prosterner, de s'incliner devant une personne pour le saluer et pour lui montrer donc le respect. Comme ce qui est cité dans le Coran en ce qui concerne les anges, lorsqu'on leur a demandé de se prosterner devant Adam, également lorsque les parents et les frères de Youssouf alayhi salam se sont prosternés devant lui. Donc tout ça, c'est pour saluer et pour montrer le respect, mais cela est devenu interdit dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma kana li ahadin an yasjuda li ahad. Il est interdit à une personne de se prosterner pour quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Mu'adh lorsqu'il s'est prosterné devant lui, lorsqu'il est revenu de Shem, donc la Syrie et sa région, et qu'il a vu que les gens là-bas se prosternaient devant leur roi. Il est revenu à Médine en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il méritait plus que tous ces rois-là, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. Il s'est alors prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé en lui disant « Ma hadha ya Mu'adh, lo kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idham bi haqqihi 'alayha. » Donc cela est interdit dans notre religion de se prosterner devant une autre personne ou de s'incliner. Maryam alayhi salam donc a porté cet enfant 9 mois comme le portent toutes les mères, car donc si la grossesse de Maryam alayhi salam avait été différente, cela aurait été cité. Également Zakaria alayhi salam a vu que l'aspect de Maryam alayhi salam avait changé du fait qu'elle était tombée enceinte. C'est alors qu'il est venu à elle et lui a posé des questions. Bon. Pas des questions directes, mais des questions comme des signes. En lui disant, « Ya Maryam, hal yakunu zar'un min ghayri badr ?»« Oh Maryam, est-ce qu'il y a de la végétation sans graines ?» Maryam lui a dit, « Oui, qui a créé la première végétation ?» Il lui a ensuite dit, « Hal yakunu shajarun min ghayri ma ?» Est-ce qu'il y a des arbres sans eau? Maryam a alors dit, Naam, faman khalaqa ash-shajar al-awwal? Oui, qui a créé le premier arbre? Il lui a alors dit, falyakun waladun min ghayri dhakar? Est-ce qu'il y a, il peut y avoir un enfant sans homme? Maryam lui a alors dit, oui, inna Allah khalaqa Adama min ghayri dhakarin wala untha. Allah a créé Adam sans mâle ni femelle. Il lui a alors dit, Zakaria alayhi salam, akhbirini khabarak, informe-moi de ton histoire. Maryam alayhi salam lui a alors dit, inna Allah basharani bi kalimatin min ismihi al-masih wa Isa ibn Maryam wajihan fi ad-dunya wal-akhirati wa min al-muqarrabin wa yukallimu an-nasa fi al-mahdi wa kahlan wa min as-salihin. C'est-à-dire, elle lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait la bonne annonce, une parole de sa part. Son nom sera El-Masih, Isa, fils de Maryam, illustré ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. En ce qui concerne le mot El-Masih, les savants ont divergé pourquoi a-t-il été appelé El-Masih. Il y en a qui ont dit Li-Mesrihi l'Ard, du fait qu'il avançait sur la terre. D'autres ont dit لِمَسْحِ قَدَمِي, car paraît-il, il avait les pieds plats, alayhi salam. Il y en a d'autres qui ont dit لِخُرُوجِهِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَمْسُوحًا بِالدِّهَانِ. Certains ont dit car il est sorti du ventre de sa mère rempli de الدِّهَانِ, c'est comme des parfums mais sous forme d'huile. Également لِمَسْحِ جِبْرِيلَ بِالْبَرَكَ, car Jibril l'a touché par la bénédiction. Et il y en a qui ont dit car Allah subhanahu wa ta'ala lui a effacé tous ses péchés. Mais donc l'avis le plus connu est le fait que lorsqu'il passait ses mains sur le visage d'un aveugle ou d'un malade, il retrouvait la vue ou bien il retrouvait la santé. C'est pour ça qu'ils ont tous ces mots-là, ils viennent du verbe masaha, qui veut dire passer sa main, effacer, etc. etc. Donc c'est pour cela qu'il a été appelé Al-Masih. Allah dit فَأَجَأَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Cela, ce verset prouve qu'il est permis donc de désirer la mort lors des moments, ce qu'on appelle el-fitan, lors des moments des grandes épreuves de la vie. Il est permis, donc, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la mort, comme l'a dit Maryam alayhi salam, qalat ya laytani mittu. C'est-à-dire, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant. Ce n'est pas par rapport aux douleurs de l'enfantement, mais c'est plus par rapport à ce que les gens allaient penser d'elle, ce que les gens allaient dire à propos d'elle. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'à la fin des temps, tellement il y aura des preuves pour les gens et pour les musulmans, les gens passeront à côté des tombes et diront « Ya laytani makanahu » si seulement j'avais pu être à la place de cette personne. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas les instants que nous vivons. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Puis, donc, en dessous d'elle, il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Donc, les savants également, ils ont divergé, est-ce que c'est Jibril alayhi salam qui a dit cela, ou bien Isa, après qu'elle l'ait mis au monde. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a mis sous tes pieds une source, Sariya, secoue vers toi le tronc du palmier, et il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Également, cela fait partie des miracles, car l'avis de la majorité des savants de l'islam, également même les gens du livre, ils disent que Isa alayhi salam est né en hiver. En hiver, au mois de décembre, le 24 décembre. Et ce n'est pas un moment où les dates poussent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, du fait de sa bonté, et c'est un autre miracle pour Maryam, comme lorsque elle avait auprès d'elle les fruits d'été en hiver et les fruits d'hiver en été, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'elle allait avoir des dates en plein hiver. Également, en ce qui concerne les dates, les savants qui s'occupent de tout ce qui est al-i'jaz, al-ilmi, fil Qur'an wa sunna, donc il y a des savants qui à l'heure actuelle essaient de trouver, de lier les versets du Coran avec la science actuelle. Certains ont dit que dans les dates, il y a ce qu'on appelle maddatun qabida, c'est-à-dire une matière astringente pour l'utérus, qui permet de renforcer les muscles de l'utérus après l'accouchement. Donc les muscles de l'utérus, ils ont fait un grand effort lors de l'accouchement par les contractions, et les dattes possèdent une matière astringente qui permet donc de renforcer les muscles et également de diminuer le sang qui coule après la naissance. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc elle est partie avec son enfant, et si elle rencontrait donc un homme, ou bien un être humain, elle lui dirait alors qu'elle, sans lui parler, qu'elle a voué un jeûne au tout miséricordieux. Ce n'est pas un jeûne de nourriture comme nous connaissons, mais le fait de ne pas parler. Donc dans les nations avant les musulmans, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant la nourriture et la boisson, comme cela est cité dans Surat al-Baqarah, kama tu kutiba ala latina min qablikum, et également ils s'abstenaient de parler. Ils s'abstenaient de parler, et cela a été abrogé dans notre religion, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la yutma ba'da ihtilam wa la sumata ila al-layl, rapporté par Abu Daoud. C'est-à-dire, il n'y a pas d'orphelin après la puberté. Donc lorsque l'enfant qui a perdu son père en étant enfant, il atteint la puberté, on n'appelle plus cela un orphelin. On n'appelle plus ça yatim. Et également, la personne qui perd son enfant et qui a dépassé l'âge de la puberté également, on n'appelle pas cela un orphelin. Et il dit ensuite, wala sumata yawmin ilalli. Également, la personne ne doit pas s'abstenir de parler jusqu'à la nuit. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. Puis elle vint auprès des siens en le portant, en portant le bébé. Ils dirent, ô Maryam, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Donc, les gens tout de suite lui ont alors dit qu'elle avait fait une chose monstrueuse, une chose énorme, de ramener un enfant alors qu'elle n'était pas mariée. Ils lui ont alors dit, « Ya ukhta Haroun ». Donc elle avait un frère qui s'appelait Haroun, qui était connu pour sa religion et sa piété. Ce n'est pas Haroun, le frère de Moussa, alayhi salam. Dans Sahih Muslim, an al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu qal, lamma qadimtu Najran sa'aluni faqalu, إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه il nous dit, lorsque donc je me suis rendu à Najran, donc le sud de la péninsule arabique, les gens et qui c'était des chrétiens à l'époque, ils ont demandé à Al-Mughira ibn Shu'ba en lui disant, vous lisez dans le Coran Ya ukhta Harun, alors que Moussa, il y a entre Moussa et Isa une grande période de temps. Lorsqu'il est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question sur ce sujet, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit que les gens à l'époque de Isa appelaient leurs enfants par les noms de leurs prophètes et les noms des gens pieux avant eux. Donc c'était un frère parmi les frères de Maryam. Également, Qatada ibn Di'ama al-Sadousi, un parmi les tabi'in, rahimahullah, il nous a dit que même à son époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens du livre donnaient beaucoup le nom Haroun. Même jusqu'à l'heure actuelle, les juifs, beaucoup de juifs s'appellent Haroun. Il nous dit qu'un jour il a assisté à une de leurs janazas, ou bien il y avait une janaza parmi les gens, les janazas des gens du livre, il y avait parmi eux 40 000 personnes dont le nom était Haroun. Ce qui prouve que c'était un nom très répandu parmi les gens du livre et même à notre époque. Donc, Maryam, alayhi salam, on lui a dit Ya ukhta Haroun. Pourquoi on lui a dit cela? Donc son frère était une personne pieuse, une personne croyante, une personne vertueuse. On lui a rappelé qu'elle était la sœur de Haroun. Comment peux-tu faire cela alors que tu es la sœur de Haroun? Également, Ma kana abu kimra asaw. Ton père n'était pas un homme de mal. Wa ma kanat ummu kibariya. Tu n'étais pas une, et ta mère n'était pas une prostituée. C'est-à-dire, observe ta famille, personne n'a jamais fait une chose aussi terrible. Ni ton frère Haroun, ni ton père, ni ta mère. Donc Maryam, alayhi salam, lorsqu'elle a vu qu'elle n'avait aucun appui, elle s'est alors dirigée vers Allah subhanahu wa ta'ala et elle s'en est remise à lui. Fa'asharat ilayh. Il ne lui restait plus en disant, elle a montré l'enfant, en leur disant, parlez-lui, et il va vous répondre. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. Comment allons-nous parler à un enfant qui vient juste de naître et qui est encore dans son berceau? Tu nous demandes de parler à cet enfant car tu ne veux pas nous répondre de la chose terrible que tu as commise. Pire encore, tu veux peut-être te moquer de nous en nous demandant de parler à un nouveau-né. C'est alors que Isa, alayhi salam, s'est mis à parler, et cela fut une défense pour sa mère venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Donc elle fit un signe vers l'enfant et ils dirent alors comment parlerions-nous à un bébé au berceau. C'est alors donc que le bébé a dit, Isa alayhi salam, je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète, où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat et la bonté envers ma mère, et ne m'a pas fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc ça c'est la première parole qu'a dit Isa alayhi salam. Inni abdullah. Je suis le serviteur d'Allah. Donc il a reconnu le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, que tout en dehors d'Allah ne sont que ses serviteurs. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de tout ce que les ignorants ont pu lui attribuer, comme le fait de lui attribuer des fils, de lui attribuer des filles, de lui attribuer des compagnes. Car donc, il y a des gens qui ont prétendu qu'il était le fils d'Allah, d'autres ont prétendu qu'il était un de la Trinité, Thalithu Thalatha, d'autres ont prétendu, pire encore, que c'était Allah, Ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira, et les musulmans ont dit la vérité et le juste milieu que Isa alayhi salam est un prophète et le serviteur d'Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Également, il y en a qui ont dit que Isa alayhi salam était un enfant qui était le résultat de la fornication, comme l'ont dit les juifs. وَجَعَلَنِي نَبِيَّ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la prophétie à un enfant venu de la fornication. Allah ne donne pas la prophétie à un enfant venu de la fornication. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des juifs dans surat al-Nisa, il nous dit, et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Maryam. Jusqu'à l'heure actuelle, ils refusent de croire au message de Isa alayhi salam et à plus forte raison au message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. C'est-à-dire, Allah m'a rendu béni où que je sois. Car donc Isa, où qu'il fût, et comme tous les autres prophètes, il appelait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé, et il purifiait Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut et de toute mauvaise chose, comme le fait d'avoir pris d'avoir des enfants ou bien d'avoir une compagne. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا. Également, tous les serviteurs, et à plus forte raison les prophètes, tous les prophètes et tous les serviteurs pieux, il leur est demandé d'avoir un bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'adorer par la prière et par toutes les adorations, et également d'avoir un bon comportement avec les serviteurs d'Allah. Awsani bis salah, la prière, ça t'est utile à toi, et c'est un signe de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zakat, c'est un bon comportement envers les autres serviteurs d'Allah. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Et donc également, Allah lui a ordonné d'être bon avec sa mère. Donc de manière générale, il faut être bon avec ses deux parents. C'est pour ça que juste avant, qu'est-ce qu'il dit ? Yahya. Wa barran biwalidayhi. Avec son père et sa mère. Mais Isa ne possède qu'une mère. Et donc la personne qui ne possède qu'un seul parent parmi les deux, il faut en fait qu'il réunisse l'amour de deux parents en un seul. L'amour de deux parents en un seul, en étant le meilleur des enfants. وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. جَبَّار, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a ni rendu dur, également grossier. Donc Isa alayhi salam était une personne douce et qui utilisait la douceur dans son appel à l'islam. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, يعني شَقِيًّا, c'est-à-dire malheureux. Il n'était ni malheureux ici-bas, ni dans l'au-delà. Et ainsi doit être le croyant. Le croyant qui possède la croyance en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au destin, il est le plus heureux des hommes. Il est le plus heureux des hommes, même si ses richesses sont les moins nombreuses des richesses des hommes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « El-rina, rina nefs ». La richesse, c'est en réalité la richesse de l'âme. Donc Isa alayhi salam, du fait de sa grande foi, la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée en tant que prophète, il n'était pas parmi les malheureux. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. C'est-à-dire, salut sur moi le jour où je suis né et le jour où je mourrai. Car donc Isa, on va expliquer plus tard, il n'est pas mort. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Et wa yawma ub'athu hayya, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala me ressuscitera vivant. Allah dit ensuite dhalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Donc tel est Isa, fils de Maryam, parole de vérité, قَوْلَ الْحَقِّ, dont il doute, فِيهِ يَمْتَرُونَ. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin. Donc le début du verset, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite c'est encore la parole de Isa lorsqu'il dit certes Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin. Et également, nous en tant que musulmans, notre foi n'est pas complète si on ne reconnaît pas que Isa alayhi salam est un serviteur et un messager d'Allah. Ça rentre dans la foi au prophète qui est un pilier parmi les piliers de l'islam. Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu yaqul anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه البخاري ومسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, et que Mohammed est son serviteur et messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il envoya à Maryam et une âme venant de lui, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, celui qui atteste de tout ça entrera au paradis quels que soient ses actes. Celui qui atteste de tout ça rentrera au paradis quels que soient ses actes. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans sourate Maryam: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِي وَمِنْ عَظِيمٍ. Par la suite, donc, après la venue de Isa, les sectes, les groupes, divergèrent entre elles à leur malheur aux mécréants lors de la venue d'un jour terrible. Car donc, comme nous avons dit, les gens ont divergé sur Isa, alayhi salam. Donc, les juifs ont dit que Isa était un fils de fornicatrice, un fils, un enfant, qui est le résultat de la fornication, ayad al-billah. Également, les chrétiens et les catholiques, ceux qui ont dévié du chemin de Isa alayhi salam, ils ont dit que c'était le fils d'Allah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Allah n'a ni engendré, ni n'a été engendré. Et les croyants ont dit que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Et le fils de sa mère est donc une parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya à Maryam. Et d'autres ont dit que Isa était Allah, et d'autres ont dit que Isa était un parmi les trois de la Trinité, qui sont l'Ab, l'Ibn, l'Ruh al-Qudus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc toutes ces paroles-là sont des paroles égarées, et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les croyants et les musulmans vers le juste milieu. Bien, nous reconnaissons la prophétie de Isa alayhi salam, tout en sans exagérer jusqu'à lui donner des caractéristiques divines. Donc la Manshaou Isa ibn Maryam, c'est-à-dire la croissance de Isa alayhi salam. Lorsque Isa ibn Maryam atteint l'âge de 12 ans, les miracles et les choses inhabituelles commencèrent à lui arriver. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit que Isa radiallahu anhu, qu'il voyait, Allah lui faisait voir des choses surprenantes dès son plus jeune âge, par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa réputation a commencé à se répandre partout à Beit El-Maqdis. C'est alors que les enfants de Israël ont commencé à comploter contre Isa alayhi salam dès son plus jeune âge, alors qu'il n'avait que 12 ans. C'est alors que sa mère eut peur pour lui et décida donc de partir avec lui vers Masr, vers l'Égypte. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran en disant: وَجَعَلْنَا بَنَا مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Et nous fîmes du fils de Maryam ainsi que de sa mère un prodige, et nous donnâmes à tous deux asile sur une colline bien stable et dotée d'une source. Donc sa mère a eu peur pour lui et a décidé de le faire partir. Elle est partie avec lui vers l'Égypte. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné donc de retourner vers Beit al-Maqdis, à Jérusalem, lorsqu'il atteint l'âge de 13 ans. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigna à Isa alayhi salam al-Injil wa al-Tawrat, l'évangile, la Bible et la Torah. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala lui permit de redonner vie aux morts et de guérir certaines maladies. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé de certaines choses de l'invisible. Car Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il informe ses prophètes de certaines choses de l'invisible. Allah dit « Alimul ghaybi, fala yudhiru ala ghaybihi ahada, illa man irtada min rasulin, fa innahu yasluku min bayni yadi wa min khalfihi rasada. » Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui connaît l'invisible. Mais parfois, il donne un peu de l'invisible à des prophètes qui l'agréent. Donc, Isa, parmi ses miracles également, il informait les gens de ce qu'ils cachaient dans leur demeure. La personne pense qu'elle a caché quelque chose, un objet, un secret ou toute autre chose. Et Isa, pour montrer la véracité de son message, il venait les informer des choses qui se passaient dans leur demeure. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise, c'est-à-dire de la boue, comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et là, par permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons, mais voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Donc Isa alayhi salam, parmi ces miracles, donc, comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il prenait de la boue et il en formait un oiseau, et il soufflait dessus et il devenait un oiseau par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il guérissait certaines maladies, comme l'aveugle-né. L'aveugle-né est impossible à guérir. C'est encore plus que le fait de guérir une personne qui est devenue aveugle. Également, il guérissait le lépreux, ce qu'on appelle el-bars, donc les gens qui ont des taches blanches sur leur peau. C'est une chose qui est inguérissable, même jusqu'à notre époque. Et Isa alayhi salam, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il guérissait cela. Chaque prophète a reçu des miracles. Donc il n'y a pas un prophète sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait appuyé de miracles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a fait en sorte que ces miracles soient en concordance avec la force des gens de chaque époque. Par exemple, à l'époque de Moussa alayhi salam, il y avait énormément de magiciens très intelligents. C'est pour cela que lorsque Moussa est venu avec les miracles avec lesquels il est venu, ces gens-là, ces magiciens intelligents, ils ont su que tout cela était au-dessus de leur magie et au-dessus de leur tromperie, et que cela venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à une époque où il y avait également de nombreux sages et des gens très savants de la nature et des gens qui connaissaient très fort en médecine. Et c'est pour ça que Isa a été envoyé avec les miracles que nous avons cités, afin donc que les gens reconnaissent que cela venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il guérissait des maladies incurables, Isa alayhi salam. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à une époque où il y avait des gens très forts dans la langue arabe, des gens très éloquents, des gens très habiles avec la langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran, donc qui n'est pas touché par le faux, ni devant, ni derrière, car c'est une révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le Coran, les gens sont incapables de produire un texte semblable au Coran, même si tous les gens, tous les hommes et tous les démons, même si tous les hommes et tous les démons s'alliaient pour produire un texte semblable au Coran, cela serait impossible. Même une seule sourate parmi les sourates du Coran. Isa alayhi salam, parmi ses miracles donc, il redonnait la vie aux morts. Un jour, Isa alayhi salam s'est rendu auprès des tombes. Et c'est alors qu'il a trouvé une femme assise auprès d'une tombe en train de pleurer. Il lui a alors dit, que t'arrive-t-il ? Elle lui a alors dit, ma fille est morte et je n'avais pas d'enfant à part elle. Et je me suis donné le serment, ou bien j'ai donné le serment à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas bouger de cet endroit jusqu'à ce que je goûte à ce qu'elle a goûté de la mort, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne la vie. Elle ne bougerait pas de cet endroit sans qu'elle goûte à la mort comme sa fille a goûté à la mort, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne la vie. Isa alayhi salam, il lui a alors dit, vois-tu, si tu arrivais, si j'arrivais à te montrer ta fille, est-ce que tu retournerais de cet endroit? Elle a alors dit oui. C'est alors que Isa alayhi salam s'est levé, a prié deux rak'at, et ensuite il s'est assis auprès de la tombe et a alors dit, ô Fulana, lève-toi par la permission du miséricordieux. C'est alors que la tombe s'est mise à bouger. Ensuite, il a demandé la même chose une deuxième fois. C'est alors que la tombe s'est fendue. Et il a réitéré sa demande. C'est alors que la fille est sortie de la tombe en enlevant la terre de sur sa tête. C'est alors que Isa lui a alors dit, qu'est-ce qui t'a retardé lorsque je t'ai appelé en te disant de sortir de ta tombe? Elle a alors dit, j'ai entendu un premier cri. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé un ange qui m'a reconstruite. Ensuite, j'ai entendu un second cri. C'est alors que mon âme m'est revenue. Et ensuite, j'ai entendu un troisième cri. Et j'ai craint que ce soit l'heure qui était arrivée, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. C'est alors que ma tête est devenue blanche, comme un vieillard. Et également ses sourcils. Et ses cils, tout cela, car elle craint que ce fût l'heure qui était arrivée. Ensuite, elle s'est rendue vers sa mère et elle lui a alors dit, « Oh, ma mère, qu'est-ce qui t'a amené à goûter la douleur, à me faire goûter plutôt ? Qu'est-ce qui t'a amené à me faire goûter la douleur de la mort deux fois ?» Du fait que, si elle revient à la vie, elle serait amenée à remourir. Patiente et espère la récompense d'Allah, car je n'ai plus rien à faire ici-bas. La fille, elle a dit, je n'ai plus rien à faire ici-bas. Et ô prophète d'Allah, demande à Allah qu'il me ramène vers l'au-delà et qu'il me facilite la douleur de la mort. C'est alors que Isa alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala a repris son âme et elle est retournée dans sa tombe. Donc Isa alayhi salam également, parmi les choses qu'il a transmises à son peuple, le fait qu'il a parlé de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite en disant, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allah dit dans surat al-A'raf, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, c'est-à-dire notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils trouvent mentionnés chez eux dans la Torah et l'Injil. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend illicite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Également, Allah dit « وَيَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Et quand Isa, fils de Maryam, dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux avec les preuves évidentes, ils dirent « C'est de la magie manifeste. » Même les compagnons du prophète, alayhi salam, sont mentionnés dans l'évangile. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'apaisit et ensuite se dresse sur sa tige. Et à l'émerveillement des semeurs, Allah par eux les croyants remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. » Donc Isa alayhi salam, les gens, donc à son époque, ont comploté contre lui. Les juifs ont comploté contre lui et ont demandé donc au roi de l'époque de chasser Isa, de le combattre. Et c'est alors que le roi de cette époque a décidé donc de tuer Isa alayhi salam et de le crucifier. Ce roi-là s'appelait Daoud ibn Noura. C'est alors que Isa alayhi salam, lorsqu'il a entendu que donc ils allaient le capturer pour le tuer, donc du fait qu'il était venu avec un message, et donc il n'y a aucun prophète qui vienne sans qu'il n'ait des ennemis. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi salam, lorsqu'il a reçu la révélation dans la grotte et que Khadija l'a emmené chez son cousin Waraqat ibn Nawfal, il a dit « J'espère être présent lorsque ton peuple t'expulsera. » C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Awa mukhriji yahum, est-ce qu'ils vont me chasser ?» C'est alors que Waraqat ibn Nawfal, il lui a dit « Ma ja'a ahadum biladhi, yani sata'ti bihim illa audi. » Il n'y a personne qui vienne avec ce avec quoi tu vas venir sans qu'il n'ait des ennemis. Donc Isa alayhi salam, pareil, il a eu des ennemis. Isa était dans une demeure avec 12 personnes, parmi eux des apôtres. Isa alayhi salam leur a alors dit « Qui d'entre vous peut sortir de cette maison ? Allah subhanahu wa ta'ala fera qu'il devienne mon sosie. Il devienne identique à moi. » La personne qui veut sortir, Allah subhanahu wa ta'ala le rendra identique à moi et il sera exécuté à ma place et il sera avec moi au paradis. C'est alors qu'un jeune a levé, le plus jeune du groupe a levé sa main en disant « Anna, moi je veux être cette personne. » Isa lui alors dit « Ijlis, c'est-à-dire tu es le plus jeune, tu as encore beaucoup de choses à profiter. » Isa a réitéré sa demande. La même personne a s'est reporté volontaire. Isa lui a alors dit « Ijlis ». Une troisième fois, et c'est toujours la même personne qui a décidé d'être le volontaire pour sortir et devenir le sosie, ou bien une personne semblable à Isa. Et donc il est ensuite sorti et il s'est fait capturer et tuer, puis crucifié. Et Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ensuite élevé d'une ouverture dans le toit de la maison. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, bal rafa'ahu Allahu ilayh. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'est ce qu'il aura, c'est ce qu'ils ont cru. Mais donc Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa alayhi salam, et à la fin des temps Isa alayhi salam reviendra, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Isa également, il fait partie des signes de l'heure. La venue de Isa alayhi salam est un signe parmi les signes de l'heure. Allah dit dans le Coran, ya Isa inni mutawaffik, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayhi. Il y a des gens qui pensent que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, je vais te faire mourir. Inni mutawaffik, c'est-à-dire je vais te faire mourir. La véritable compréhension de ce verset, c'est je vais te faire dormir. Mutawaffik, bima'na munawwimuk. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Az-Zumar, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mourir les âmes lors de leur mort, et également celles qui ne meurent pas lors de leur sommeil. Donc le sommeil est ce qu'on appelle al-wafat al-sughra, la petite mort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait dormir Isa et l'a ramené vers lui, alayhi salam. Et à la fin des temps, donc, il redescendra posé sur les anges, posé sur les ailes, pardon, de deux anges. Il descendra, alayhi salam, عند المنارة البيضاء, donc le minaret blanc, charqi Dimashq, à l'est de Dimashq. Beaucoup de savants disent que c'est, à l'heure actuelle, Al-Majid al-Umawi, qui se trouve à Damas. Al-Majid al-Umawi, c'est cet endroit-là que Isa alayhi salam descendra, et il descendra à Salat al-Fajr, et il trouvera Al-Mahdi alayhi salam en train de guider la, en train de d'aligner les rangs pour la prière de l'eau. Et lorsqu'il verra Isa alayhi salam venir, il lui dira alors de guider la prière, du fait que on ne guide pas la prière devant un prophète. Et Isa alayhi salam lui laissera Al-Mahdi le fait de guider la prière. Et ensuite Isa suivra Ad-Dajjal, car donc ce sera à la même époque, et il le tuera à un endroit qui s'appelle Bab Lut en Palestine. Et c'est alors que donc la justice s'installera sur terre, et Isa alayhi salam tuera alors le porc, il cassera également la croix, et il annulera ce qu'on appelle Al-Jizya, la capitation, qui est donc un impôt que les gens du livre donnent aux musulmans pour pouvoir vivre avec eux. Donc Isa alayhi salam n'acceptera plus ça, il y aura soit la foi, soit le combat. Naktafi bihada, inshallah. Donc ce cours est terminé, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Et en réalité, même ce cours, il mérite plus de temps encore. Donc les prophètes qui sont beaucoup cités dans le Coran, comme Moussa, comme Isa, comme Ibrahim alayhi salam, ils méritent plus qu'un seul cours. Mais donc, alhamdulillahi rabbil alamin, on a réussi donc à citer donc un résumé de la vie de Isa ibn alayhi salam. Sallallahu ta'ala an yaj'ala hadhihi al-muhadara khalisatan li wajhi al-karim wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.